En Corée, dans les régions sinistrées de la province du Hamgyong du Nord, les maisons d'habitation de 450 foyers de plus ont été achevées rien que le 3 courant. À l'arrondissement de Musan, les habitations de plus de 280 foyers, à la ville de Faelyong et à l'arrondissement de Yeonsa, respectivement celles de plus de 160 foyers. La construction des habitations a fini déjà à l'arrondissement de Gyeonghun et à l'arrondissement de Gyeongwon, celle des habitations de plus de 500 foyers est effectuée à 98%. Les travaux de construction des bâtiments publics, notamment des écoles et jardins d'enfants, sont au niveau de plus de 80%.